Bismillahirrahmanirrahim. Dans le dernier fois que nous avions pris, nous avions parlé de que la Dawa de la Sunna appelle à la sécurité, à instaurer la sécurité en tout lieu, car sans cette sécurité, l'homme n'est pas en mesure de pouvoir vivre, de pouvoir accomplir ses obligations. Et il y va de soi, par rapport au fasl qui va venir maintenant, que cette sécurité ne peut être établie si ce n'est qu'en obéissant aux détenteurs du pouvoir, qui sont les gouverneurs. لهذا قال في الفصل الجديد اهل السنه لا يرون الخروج على الحكام ما داموا مسلمين وان جاروا. Que les gens de la sunna ne voient pas la permission de sortir contre les gouverneurs tant qu'ils sont musulmans, même s'ils sont injustes. Même s'ils sont injustes. Donc la condition, c'est tant qu'il est musulman, la sortie contre lui n'est pas permise. Et la sortie contre lui, ça inclut par les armes, ça inclut par la contestation ouverte et publique, comme les manifestations au Raïd Valika, et ça inclut le fait de le critiquer ouvertement, de façon illégitime. Mais le nonce pour le gouverneur, comme ce fut le cas des salafs, se fait de façon privée. Et quant à ceux qui l'auront fait publiquement, certains ulama comme Cheikh Al-Famine ont expliqué que cela a été du fait que le hakim était en face de lui. Donc il lui a parlé directement et des gens étaient présents pour le voir. Mais lorsqu'il est absent, alors tu ne parles pas sur lui comme ça ouvertement. D'accord ? Et la tolérance, c'est de lui faire parvenir à la nasiha de façon privée. Bien que certains ulama voient qu'il est permis parfois de blâmer le gouverneur en public. Ça, c'est une divergence qu'on peut trouver. Quoi qu'il en soit, cette façon de faire, de se faire de façon posée et calme, et ne pas inciter à la rébellion contre lui. C'est-à-dire se concentrer sur l'erreur et le conseil. Mais quant au fait de l'insulter, de le dénigrer et de le rabaisser, ça, sûrement pas. فقال حفظه الله تعالى عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui m'obéit a certes obéi à Allah, et celui qui m'a désobéi a désobéi à Allah, et celui qui obéit au gouverneur m'aura obéi, celui qui désobéit au gouverneur m'aura désobéi. Donc tout cela est lié, cette obéissance est liée, et elle est une ibada, c'est une adoration. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره من لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Qu'il est dit صلى الله عليه وسلم que il est obligatoire aux musulmans d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, tant qu'on ne leur donne pas de faire un péché. Et si on leur donne de faire un péché, une désobéissance, alors là, ils n'écoutent pas ni n'obéissent. Donc le fait d'obéir au gouverneur, ce n'est pas que dans ce qui nous plaît, mais dans ce qui ne nous plaît pas, même si ce qui ne nous plaît pas, tant que ça ne reste pas illicite. Donc cela n'est pas illicite. Wa an ibn Abbas, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala man ra'a min emirin shay'an yakrahu, fal yasbir alayhi. Fa innahu man faraka al-jama'ata bishibran, fa mata illa mata matat al-jahil. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui voit une chose qu'il déteste de son gouverneur, qu'il patiente sur lui. Car sans quoi, il sera divisé. Car celui qui se divise, qui se sépare du groupe, ne serait-ce que d'un enfant, mourra d'une mort telle la mort de la jahiliyyah de l'époque pré-islamique. Donc là, on voit que l'émir, s'il y a des choses qui sont blâmables, il ne nous revient pas de le critiquer et de le rabaisser pour cela, mais de patienter. De patienter, de faire le doua pour lui, qu'elle le réforme. Tant qu'il reste musulman. Wa qala al-Tahawi rahimahullah ta'ala la nara al-khuruj ala a'immatina wa walat al-umur wa in jaru wa la nad'u alayhim wa la nanza' yadan min ta'atihim nara ta'atuhum fi ta'ati Allah min ta'ati Allah 'azza wa jalla fariidha ma lam ya'muru bi ma'siyah wa nad'u lahum bi salih wal mu'afah. Donc voilà comment dit l'imam Tahawi, qui dit que nous n'aurions pas le fait de sortir contre nos gouverneurs, ceux qui détiennent le pouvoir, même s'ils sont injustes, on n'invoque pas contre eux. Et nous ne cherchons pas à leur retirer leur pouvoir, plutôt de sortir de leur obéissance. Et nous voyons que le fait de leur obéir, c'est une obéissance à Allah Azawajal. Cela est une obligation. Tant qu'ils n'attendent pas de faire une désobéissance. Et nous invoquons pour eux que Allah leur accorde la réforme, et ainsi qu'il les prémunisse du mal. Wa qala ibn Rajab al-Hanbali, amma sam wa ta'atu li wulat al-umur, wulat umur al-muslimin, fa fiha sa'alatu al-dunya. وبها تنتظمون مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. كده دي ابن رجب que le fait d'écouter, d'obéir au gouverneur, cela contient le bien-être dans cette dunya. Et c'est par cela que prennent forme les intérêts pour les ibad dans leur vie de tous les jours. Et c'est par cela qu'ils se basent pour pouvoir faire apparaître leur religion et l'obéissance de leur Seigneur, envers leur Seigneur, en obéissant au gouverneur. وقال البحبهاري السمع والتعالي أيمت فيما يحب الله ويرضى من ولي خلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. Donc nous devons écouter et obéir au gouverneur dans ce que Allah aime et agrée. Que celui à qui a été accordé le califat avec l'unanimité des gens et leur agrément, alors il deviendra le chef des croyants. Et il n'est permis à personne de passer ne serait-ce qu'une nuit sans voir qu'il n'a sur lui un gouverneur, qu'il soit un pervers ou qu'il soit un homme pieux. Il faut qu'il sache qu'il a un gouverneur, un dirigeant, et qu'il obéisse. ومن خرج على إمام أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصر المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية. Celui qui sort contre le gouverneur, parmi les gouverneurs des musulmans, c'est un kharijite. Il aura divisé les rangs des musulmans. Et il aura contredit les athars, c'est-à-dire les hadiths et les preuves. Et il sera mort d'une mort de l'époque pré-islamique. وَلَا يَحِلُّ كِتَالِ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُلُوجَ عَلَيْهِ وَإِنْ جَارَ وَذَلِكَ لِكُلِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى qui n'est pas permis de sortir sur lui, même s'il devient injuste. Et cela dans l'exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, patience, c'est-à-dire sur le gouverneur, même si c'était un esclave, Habashi, Abyssin, Éthiopien. Wa qawluhu lil ansar, isbiru hatta talquni ala al-hawd. Et qu'il a dit aux ansar, par rapport au fait de patienter sur le gouverneur, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez auprès du bassin, le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne fait pas partie de la sunna de combattre le gouverneur, car cela contient un grand désordre, d'accord, un grand désordre et de mauvaises représailles pour la religion et pour la dunya. Et ça, c'est tout ça, c'est les paroles de l'imam Barbahari. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit « Yajibu an yu'araf anna wilayat amr al-nas min a'zam wajibat al-din, ben la'i qiyam al-din illa biha, fa'inna bani adam la tatam maslahatuhum illa bi ijtima' li hadati ba'dihim ila ba'd, wa labud lahum an al-ijtima' min ra's. » Donc il dit qu'il n'est parmi les plus grandes obligations en religion, c'est le fait qu'il y ait justement un gouverneur, un dirigeant. Et la religion ne peut se compléter si ce n'est par cela. Et que les fils d'Adam, leurs intérêts ne peuvent être accomplis lorsqu'ils sont réunis, si ce n'est du fait qu'ils aient besoin les uns des autres. Et cela, il les amène à ce qu'ils soient tous réunis autour d'une personne en particulier. Il faut qu'ils aient une personne vers qui le reviennent en particulier. Wa awjaba sallallahu alayhi wa sallam ta'mir al-wahid fi l'ijtima' al-qalil al-gharif al-safar tanbihan bidhalika ala sayr anwa' al-ijtima' li'anna Allah ta'ala awjaba al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wa la yutammu dhalika illa biquwwati wa imara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire qu'il y ait un meneur, même dans un regroupement, un petit regroupement, comme par exemple lorsqu'on fait un voyage, un safar. Même si nous ne sommes que trois, il faut qu'il y ait un émir. Alors qu'en est-il des choses qui sont encore plus grandes que celles-ci? Car Allah Azzawajal a rendu obligatoire l'ordre du convenable et la prohibition du blâmable. Et cela ne peut s'appliquer si ce n'est avec une autorité, une obéissance à quelqu'un. Si chacun fait ce qu'il veut, ça finit en anarchie. Et là, ça amène à tous les déboires et amène à des catastrophes. Donc il l'a dit toujours, je traduis pour raccourcir, il en est de même pour toutes les choses qui amènent à un regroupement, comme le djihad, comme la justice, le fait d'appliquer la justice, le fait de faire le hajj, le fait de faire les jumu'ah, ainsi que les ayed, le id, le fait de secourir l'injuste, et le fait d'appliquer les sentences. Cela ne peut avoir lieu qu'avec une autorité et un commandement. Il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'autorité d'Allah, plutôt le gouverneur, c'est l'ombre d'Allah sur terre. Mais ce hadith a été affaibli par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Où il a été dit que 60 ans avec un gouverneur injuste, cela est plus propre à la réforme qu'une seule nuit sans gouverneur. Et il dit justement que l'expérience est la plus grande preuve de cela. Toutes les fois où il n'y avait pas de gouverneur, on a vu comment les gens les ont comportés. Ça a été l'anarchie totale. Le fort a mangé le faible. Et ça a été les émeutes ainsi que les révoltes. Et cela n'a amené que l'insécurité et le meurtre et les injustices. Donc, le Khurasa, un ami moyen de la al-Sunnati, elle bourre dans les fitans. Ou à tort que tel al-Aïma bi khilaf al-Bida' wal-Ahwa. Parmi les distinctions justement de la droite des gens de la Sunna, c'est qu'ils sont loin des troubles et qu'ils ne combattent pas les imams, contrairement aux gens de la bida et des passions. Et ce qui fut rapporté de certains salafs qu'ils sortirent contre le gouverneur, cela était une chose qui était un ijtihad de leur part. Un ijtihad de leur part, mais cela n'était pas leur croyance de base de fait de sortir contre le gouverneur. Et la base, quoi qu'il en soit, c'est le kitab ou la Sunna. Et maintenant, il n'est pas impossible que un individu parmi les gens pieux face à l'ijtihad sur Mas'ala et de là ils ne voient pas juste. Cela ne remet pas en compte la voix des salafs en soi, que un d'entre eux ait fait autre chose ou ait vu autre chose. Cela ne remet pas en compte la voix des salafs de façon générale. Et la voix des salafs à la base des salafs, on parle des salafs. À la dutloc, on veut dire par là les sahaba, après les générations d'après eux. Naam. Donc il dit, pour finir, que les gens de la sunna ne prennent pas en compte voire l'interdiction de sortir contre les gouverneurs, même s'ils sont injustes. Par contre, ils les conseillent. Et ils le rappellent, ils leur font le rappel. Et cela par suivi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-din al-nasiha, que la religion, c'est le conseil. Qulna liman rasulullah, qala lillah, wa rasulihi wa li kitabi, wa li aimmati al-muslimin wa ammatihim. Que cela est pour, et pour qui au messager d'Allah? Il dit pour Allah, et pour son messager, et pour son livre, et pour les gouverneurs des muslimines, ainsi que pour les gens de leur masse. Donc les gens de la sunna écoutent, obéissent au gouverneur, et cela dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et si jamais ils appellent à une désobéissance, on ne leur obéit pas. Et si jamais ils appellent une chose qui amène à un mal, ils sont conseillés également. Mais le conseil se fait de la meilleure des façons. Naam, hadha wal khulasa. Et quant au fait de s'étaler sur le sujet, cela est dans le kutub de Aqidah. Fabi hadha kad naktafi. Wa alhamdulillah bil alamin.